Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Hakim tête en l'air, une histoire imaginée par Thomas. Debout, sur son estrade, Madame Joyelle s'adresse à ses élèves. Sur le tableau derrière elle, une montagne est dessinée et plusieurs indications sont notées. Demain, c'est le grand départ pour la classe de neige. Il ne faut pas perdre une miette de ses explications. Pourtant, assis au second rang, un garçon se tortille sur sa chaise. Son épaisse touffe de cheveux bouge au rythme de ses gesticulations. Hakim a l'impression d'être là depuis des heures. Il aime beaucoup Madame Joyelle, mais il a envie de se lever, de courir, de gambader. Il se retient pour écouter sa maîtresse, mais un oiseau se pose devant la fenêtre. Hakim le regarde et ses pensées s'envolent. « Ça doit être trop bien d'être un moineau. Tu construis des cabanes dans les arbres, tu gazouilles toute la journée, tu virevoltes. La vie rêvée, quoi. »« Hakim, tu m'écoutes ?»« Oui, Madame Joyelle. » »« Bien. Donc demain, départ à 7h, alors vous prévoyez un petit encas pour la route et... » Les rires des élèves de la classe voisine déconcentrent Hakim. « Comment ça se fait qu'ils rigolent comme des baleines à côté ? D'ailleurs, pourquoi on dit rigoler comme une baleine ? Vu comment c'est gros, ça doit faire un sacré affût quand ça se marre. Peut-être même que ça fait des vagues. » La maîtresse voit Hakim divaguer à nouveau, se tortiller et tripoter son stylo en faisant des petits clics agaçants. Elle s'éclaircit la gorge pour capter son attention. Les regards de ses camarades se posent sur lui. Hakim se sent mal à l'aise. Il sait qu'il dérange tout le monde, mais c'est plus fort que lui. Soudain, il a chaud. De plus en plus. L'étiquette de son t-shirt le gratte. Ses lacets sont trop serrés. Il a l'impression qu'il va exploser. La sonnerie retentit enfin. Hakim bondit de sa chaise et court entre les rangs en enlevant ses chaussures. Madame Joyelle l'appelle à son bureau tandis que les autres élèves quittent la classe. Hakim, qu'est-ce qui s'est passé cette fois ? Je sais pas trop. Il y a d'abord eu l'oiseau, et puis les rires, et puis les regards, et puis j'ai eu chaud, et puis... D'accord, j'ai compris. Tout ça t'a perturbé et tu as eu envie de te lever. Oui, je crois que c'est ça. Très bien. Tu sais, quand on arrivera à la montagne, il faudra bien écouter ton moniteur pour apprendre à skier. Surtout que ce sera la première fois que je monte sur des skis, et je suis pas sûr de réussir, et puis je... Calme-toi, Hakim. Tout va très bien se passer. Allez, tu peux sortir maintenant. Hakim part en courant, se cogne contre une table et rejoint son père devant le portail de l'école. Le lendemain, Hakim est devant le bus. Il fait encore nuit et son écharpe ne le protège pas tout à fait du froid. Les autres élèves sont déjà installés. Sa mère l'embrasse une dernière fois et il grimpe dans le véhicule à la recherche d'une place où s'asseoir. Mais personne ne veut de lui comme voisin. Lucas pose son sac à côté de lui, Chloé étend ses jambes sur la place libre à côté d'elle, Jade fait semblant de regarder par la fenêtre et Nathan lui fait carrément non de la tête. Hakim fait demi-tour et s'installe à côté de la maîtresse. Normal qu'on ne veuille pas d'un zébulon comme lui pendant tout le trajet. Il n'empêche que cela le rend triste. Le bus démarre. Les heures et les paysages défilent. Pour occuper les enfants, Madame Joyelle met un film. Les pensées d'Hakim s'éparpillent et il perd le fil. Après une interminable succession de lacets, ils arrivent enfin à la station de ski. Les enfants se regroupent autour des moniteurs venus les accueillir à la sortie du bus. Pour Hakim, c'est sa première fois à la montagne. Alors forcément, quand il pose son pied sur une plaque de verglas, il dérape. Hakim glisse, hurle, toute la classe se retourne vers lui. En grand écart, il tente de garder l'équilibre. Mais finit par basculer la tête la première dans la poudreuse. Malgré la neige qui lui rentre dans les oreilles, il entend les rires moqueurs des élèves. « Hakim, ça va ?»« Oui. » L'institutrice l'aide à s'extirper et le prend par la main. Il s'approche du restant de la classe, mais Madame Joyelle continue de marcher. « Je vais te présenter ton moniteur. Tu vas l'avoir rien que pour toi. »« Ah bon ? Et je vais pas dans un groupe, avec les autres ?»« Non, pas tout de suite. » Mais c'est pas juste. Pourquoi ils sont tous ensemble et moi je me retrouve tout seul ? À deux pas de là, un jeune homme au pantalon rouge et avec une grosse paire de lunettes posées sur le front leur sourit. Voici Karl. Karl, voici Hakim. Bon, je vous laisse faire connaissance. Bonjour, bonhomme. Ne t'inquiète pas. Dès que tu maîtriseras les bases, on ira skier avec tes copains. Allez, viens avec moi. On va te choisir ton matériel pour ta première leçon. Quoi ? On commence déjà ? Bien sûr. Surtout qu'à la fin de ton séjour, tu vas passer ta première étoile, le diplôme dont tous les pros ont besoin pour débuter. Casque, combinaison, chaussures de Robocop, ski. Hakim est équipé. Karl lui explique les bases du chasse-neige. Mais le moniteur parle vite et Hakim rêvasse. Karl termine son discours et fait signe à Hakim de glisser vers lui. Le garçon, trop occupé à penser à la taille de l'igloo qu'il pourrait construire avec toute cette neige, n'a rien écouté. Il se penche en avant et... patatras, s'étale de tout son long. C'est bien pour une première fois. Mais c'est pas drôle et je me suis fait mal. On va descendre côte à côte. Tu gardes tes skis bien parallèles, tu fais attention à tes quarts, tu lèves tes bâtons à mi-hauteur, d'accord ? Oui. Les premiers mètres se passent bien. Hakim apprécie même cette sensation de glisse. Autour de lui, les montagnes sont magnifiques. C'est impressionnant de si haut sommet, ils dépassent même les nuages. C'est possible de les escalader ? Si on arrive tout en haut, ça veut dire que nous aussi, on serait au-dessus des nuages. Un peu comme les oiseaux du coup. Hakim, regarde devant toi. Hein ? Hakim pivote sur lui-même. Ses skis se prennent dans ceux de Karl et ils tombent tous les deux à la renverse. Neige dans le cou, bonnet de travers et gants en moins. Une bouffée de chaleur s'empare d'Hakim qui explose comme un volcan. Je suis nul, j'y arriverai jamais. Je suis pas d'accord, tu étais presque. La prochaine descente sera la bonne. Non, non et non, je veux arrêter. Karl est surpris par la réaction de son élève. Madame Joyelle lui a bien dit qu'Hakim pouvait être impulsif, mais il ne s'attendait pas à une telle colère. Le moniteur s'assoit en silence et se plonge dans ses souvenirs. Comment était-il enfant ? C'est vrai qu'il s'énervait souvent, lui aussi. Surtout quand on lui dictait des consignes interminables. Ce qu'il voulait, lui, c'était courir. Karl a une idée. J'ai un nouvel exercice pour toi. Tu enlèves tes skis, tu montes jusqu'au sapin là-bas et tu redescends. Quoi ? À pied ? Oui, à pied. Et c'est tout ? C'est tout. Hakim commence son ascension. Oh, les premiers pas sont pénibles, hein. Mais arrivé à l'arbre, il se sent bien, apaisé. Quand il rejoint Karl, sa colère a disparu. Il a l'impression que son esprit est aéré. Comme une pièce où on aurait ouvert les fenêtres. Parfait ! Maintenant, ça te dit de remonter sur tes skis. Et si je retombe ? Eh bien, ça n'est pas grave. On est là pour apprendre. Tu feras une pause et on réessayera plus tard. Encouragé par ses consignes simples et par la bienveillance de son professeur, Hakim se lance. Ses jambes tremblotent, ses skis veulent partir de tous les côtés, mais il reste concentré et réussit sa première descente. Karl le félicite, lui propose de remonter la pente à pied et commence un nouvel exercice. Au bout de quelques jours, Hakim est capable d'enchaîner 10 virages sans s'arrêter, de freiner en dérapant et de faire une piste bleue sans tomber. Karl, t'as vu ça ? J'ai pris une bosse ! J'ai surtout vu que tu as failli finir dans un sapin. Oh, ça va ! On est là pour apprendre ! Exactement. Bon, tu sais que demain, c'est le jour où tu vas passer ta première étoile. Ah oui ? Et c'est obligé, ça ? Non, mais une fois que tu l'auras faite, tu seras super fier. Et moi aussi. Si tu le dis. Mais pour ça, tu vas devoir aller skier avec les autres. Oh, moi je suis bien juste avec toi. Je serai là, ne t'inquiète pas. Tu en es largement capable. Vraiment ? Vraiment. Karl et Hakim se tapent dans la main. Le lendemain, le garçon rejoint ses camarades qui sont tous réunis. Nathan l'accueille en lui faisant une grimace qu'Hakim préfère ignorer. Le plus vieux des moniteurs est un homme tout petit, tout sec et tout bronzé. Il leur explique ce qu'ils doivent faire durant l'examen. Mais il parle vite et avale ses mots. Hakim ne comprend pas tout. Le soleil l'éblouit, il a chaud, il se sent pas bien, il va craquer. À ce moment-là, Karl pose une main réconfortante sur son épaule. Inspire en comptant jusqu'à 3, puis relâche tout. Et tu recommences. Hakim écoute ce précieux conseil. Son corps se détend, son esprit aussi. Alors Karl lui redonne les consignes, lentement, en le regardant droit dans les yeux. Hakim se sent bien. Cette fois, il a tout compris. Devant lui, les élèves s'élancent. Hakim fronce les sourcils pour observer le moindre de leurs faits et gestes. Virage à droite, virage à gauche, ligne droite. Il est si concentré qu'il ne remarque pas que c'est son tour. En bas de la piste, toute sa classe le regarde. Hakim souffle un grand coup. C'est parti! Il négocie sa première courbe à la perfection. Il enchaîne avec la seconde, puis la troisième. Il prend de la vitesse et passe le drapeau rouge qui marque le quatrième tournant. Hakim slalome et zigzague comme un pro. Alors qu'il attaque la dernière ligne droite, quelque chose retient son attention. Waouh! Un livre des neiges! Il est tout blanc, on dirait du dentifrice. Mais il doit avoir froid ici, ou peut-être qu'il sait se faire du feu, ou peut-être qu'il a un chauffage à la carotte. Alors que les pensées d'Hakim virevoltent, son ski gauche se décolle du sol. Il est à deux doigts de tomber. La panique s'empare de lui. Il ferme les yeux, se concentre. Il repense à la légèreté de l'oiseau devant la fenêtre de sa classe, au rire des enfants d'à côté, au sommet majestueux des montagnes. Toutes ces images l'aident à se calmer. Hakim repose son ski au sol et se penche en avant. Il franchit la ligne d'arrivée comme une fusée et s'arrête dans un dérapage qui recouvre Nathan de neige. Impressionné par ses acrobaties, ses camarades l'applaudissent en criant son nom. Madame Joyelle le félicite, Karl le serre dans ses bras. Le vieux moniteur s'approche de lui, chrono en main. Nouveau record! Parmi les élèves qui reprennent les hurrahs de plus belle, Hakim aperçoit Nathan et son pouce vers le haut. Il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello@telming.com. hello@telming.com. Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.